Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va commencer l'émission par un peu d'espoir dans le domaine du cancer. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui est frappé par le cancer. Une fois le choc de l'annonce passé, c'est le début d'un long combat non seulement contre la maladie, mais aussi contre les traitements de chimiothérapie eux-mêmes. Parce que malgré leur efficacité éprouvée, les traitements anticancers usuels ne sont pas vraiment une partie de plaisir. Alors comment diminuer leurs effets secondaires? C'est le sujet de cette semaine de notre chroniqueur 100% chimique, Jean-Daniel Doucet. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Alors tu l'as bien dit en introduction, quand on parle de cancer, ben, il vient souvent en tête toutes sortes d'images là, sombres de personnes qui sont très très faibles. Simplement, le fait d'évoquer le mot cancer va peut-être, ben, chez toi comme chez moi, évoquer l'image de quelqu'un qui est très amaigri, quelqu'un qui a perdu ses cheveux et qui est très, très fatigué. Cet état-là est en partie dû au combat mené contre la maladie, évidemment, mais il va aussi être dû aux effets secondaires des traitements de chimiothérapie. Heureusement, la science aujourd'hui a fait des progrès pour prévenir certains des effets secondaires de la chimiothérapie. Pour les diminuer, si on veut. Alors, quels sont ces principaux effets secondaires-là de la chimiothérapie en traitement du cancer? Et surtout, comment on peut les prévenir? Alors, j'ai posé ces questions à Anne Dionne, qui est pharmacienne et professeure agrégée à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. C'est une spécialiste du contrôle et de la prévention des effets indésirables reliés à la chimiothérapie du cancer du sein. Très bien, alors on va l'écouter. Que la chimiothérapie va aller détruire les cellules cancéreuses, c'est l'objectif qu'on poursuit, mais ça détruit également des bonnes cellules qui sont plus sensibles à l'effet de la chimiothérapie. Donc, souvent, ce qu'on peut avoir comme effet secondaire, c'est les nausées et vomissements. Il peut y avoir une perte de cheveux, dépendamment des agents. Il peut y avoir des ulcères dans la bouche, ce qui peut arriver. C'est sûr que l'effet qu'on craint beaucoup, c'est la baisse des globules blancs, qui sont les mécanismes de défense contre les infections. En gros, c'est les effets qui sont les plus communs. Il peut y avoir de la diarrhée, de la constipation. Tout va dépendre du type d'agent qu'on va utiliser, de la combinaison des agents qu'on va utiliser pour traiter le cancer. Parfait. Et vous l'avez soulevé, la chimiothérapie, c'est une action qui est non spécifique sur les cellules du corps, donc on tue des bonnes cellules. Je me demandais, est-ce qu'il y a des moyens de protéger ces bonnes cellules du corps humain-là des effets de la chimiothérapie? C'est sûr que les bonnes cellules qui sont affectées par le traitement qu'on va donner, c'est des cellules qu'on considère à division rapide, qui sont toujours en train de se multiplier de par leur fonction. Donc, il y a peu d'éléments qu'on est capable de protéger. Ça peut arriver, admettons, si on veut protéger les ovaires chez une femme qui veut procréer, bien ça, il y a une façon de le faire. Mais si on prend l'exemple, admettons, des nausées et vomissements, c'est dû à toute l'action au niveau des cellules. Ça, on ne peut pas protéger. Mais par contre, on peut donner des médicaments pour prévenir l'apparition des nausées avec des agents pour contrôler les nausées et vomissements qu'on appelle des antiémétiques. La majorité des effets secondaires, on les connaît bien. Donc, on est capable, pour la plupart du temps, d'amener une prévention ou, si c'est présent, d'amener un certain contrôle. La baisse des globules blancs, il y a un agent maintenant qui est disponible qui permet d'éviter ou au moins de retarder ou de faire en sorte que la baisse des globules blancs soit moins importante. Fait que c'est des éléments comme ça qu'on est capable de jouer qui va faire en sorte que les gens vont être capables de recevoir leur traitement là, comme prévu. Vous avez soulevé quelques-uns des éléments sur lesquels on peut aller jouer pour essayer d'améliorer la condition des patients qui suivent de la chimiothérapie. Je me demandais comment est-ce que vous avez entre autres soulevé la question des antiémétiques, donc des médicaments qui permettent de diminuer les nausées. Comment est-ce qu'ils fonctionnent ces médicaments-là en quelques mots? C'est que la chimiothérapie, quand on l'administre, l'organisme va percevoir ça comme un poison, donc une façon de s'en débarrasser, c'est d'amener des nausées, des vomissements. Donc, les agents qu'on va donner en prévention, ça va vraiment permettre d'éviter toute cette cascade d'événements-là. On va recommander, puis même on va administrer avant le traitement des agents, là, dans la demi-heure, l'heure qui précède l'administration. Puis on va poursuivre pendant quelques jours pour vraiment couvrir la période où les gens sont plus susceptibles d'avoir des nausées et vomissements. Puis cette période-là dure habituellement 2-3 jours selon le type d'agent, la dose qu'on va utiliser, des agents antinéoplasiques ou de la chimiothérapie. Moi, j'ai commencé ma pratique en 87, puis on n'avait pas ces agents-là, donc c'était sûr que les gens avaient vraiment beaucoup de nausées, de vomissements. Actuellement, en 2014, on a une panoplie d'agents qui fait en sorte que rarement les gens vont avoir des vomissements, vont avoir rarement des nausées ou des nausées qui peuvent être là, mais pas vraiment débilitantes. Si c'est présent, ben, ce qu'on peut faire, c'est ajuster les médicaments qu'on va avoir donnés en prévention pour les nausées et vomissements. Donc, on a vraiment une grosse amélioration de ce côté-là depuis les dernières, puis peut-être les 10-15 dernières années. Alors, on a parlé, Mme Dionne, que la chimiothérapie pouvait diminuer le système immunitaire. Est-ce qu'il y a des moyens de stimuler le système immunitaire ou d'activer les globules blancs qu'on a pour éviter d'être malade en cas de chimiothérapie? Bien, certain, il y a un agent qui est disponible depuis le début des années 90 qui permet justement de stimuler la production de globules blancs. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir, au lieu que les globules blancs baissent de façon importante, il va y avoir une baisse, mais qui va être moins importante, qui va durer moins longtemps, ce qui fait que les gens sont peut-être moins susceptibles d'avoir des infections en ayant ce produit-là. Puis, dépendamment, encore là, du type de chimiothérapie qu'on va administrer, c'est les facteurs de risque que la personne peut présenter d'avoir une baisse importante de son système immunitaire. Le médecin peut juger de faire l'ajout de ce médicament-là qui est accepté, là. Sinon, bien souvent, les gens nous posent comme question, est-ce que l'alimentation peut avoir une influence sur cette baisse de globules blancs-là? Bien souvent, on leur dit que dans l'organisme, un globule blanc, ça dure quelques jours, donc ils sont toujours en train de renouveler. Fait que c'est juste qu'avec la chimiothérapie, ils prennent un petit peu de retard. L'alimentation, c'est d'avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice. Donc, il y a toutes sortes de méthodes naturelles qui existent pour peut-être stimuler un peu le système immunitaire. Il y a peut-être certains de nos auditeurs qui seraient tentés d'utiliser des produits naturels aussi pour stimuler le système immunitaire. On entend beaucoup parler de certains produits qui peuvent stimuler le système immunitaire. Est-ce que ça peut être utile dans le cas de gens qui ont eu de la chimiothérapie? Ce qui est difficile avec les produits de santé naturelle, c'est qu'on n'est jamais sûr du potentiel d'interaction avec la chimiothérapie qu'on va administrer. Donc, souvent, les gens nous posent la question. On va chercher sur les différentes bases de données pour voir s'il y a ou pas une interaction possible. Puis, la plupart du temps, on va dire aux gens, ben, essayez de ne pas utiliser des produits de santé naturelle ou certains, on considère peut-être un petit peu plus sécuritaire. Donc, moi, ce que je recommanderais aux gens, dans le doute, ben, vérifiez avec votre pharmacien. Le pharmacien, souvent, celui qui est impliqué en oncologie au niveau de la chimiothérapie. Ça peut être aussi le pharmacien en milieu communautaire, les pharmacies que vous avez dans votre quartier, pour qu'on puisse aller vérifier le potentiel d'interaction. Parce que ce qu'on veut, c'est d'aller chercher le maximum d'efficacité de notre chimiothérapie. Donc, s'il y a une interaction qui réduit l'efficacité de la chimiothérapie, bien là, on n'aura pas notre effet escompté. Fait que c'est vraiment important de toujours valider l'information auprès de son pharmacien. Mais dis-moi, donc Daniel, il y a aussi des effets néfastes psychologiques qui peuvent décourager parfois les patients de poursuivre leur traitement. Donc par exemple, la perte d'estime de soi qui serait causée par la perte de cheveux, ça peut jouer sur le moral des patients et potentiellement même sur le résultat du traitement. Comment est-ce qu'on peut prévenir la perte de cheveux? Encore une fois, Valérie, j'ai posé la question à Anne Dionne, professeure à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Dans cet extrait, elle va nous parler notamment de bonnets froids. Mm-hmm. Ce sont en quelque sorte des casques de boxeurs qu'on garde au congélateur et qui vont refroidir le crâne pour protéger la racine du cheveu, ce qui va évidemment potentiellement jouer sur le moral des patients. Elle va également nous parler dans cet extrait-là du travail d'équipe qui se fait au sein du corps médical. Vous l'entendrez, il y a du monde dans cette équipe-là, il y a vraiment beaucoup de monde en fait, qui vont du médecin jusqu'au kinésiologue. Une équipe complète. Alors on écoute à nouveau Mme Dionne. Que la perte de cheveux va être variable selon le type de traitement d'agent qu'on va utiliser, les doses. Moi, je travaille aussi à l'hôpital Saint-Sacrement, donc c'est le centre des maladies du sein. Nous, on utilise ce qu'on appelle un bonnet réfrigérant, donc c'est un bonnet qui est dans un congélateur à moins 24, moins 25 degrés Celsius. Puis le principe est simple, c'est plus on réduit la température au niveau du cuir chevelu, ben il y a une vasoconstriction, donc les vaisseaux se referment, puis il va faire en sorte qu'il y a moins de médicaments qui vont aller détruire la racine des cheveux. C'est efficace pour plusieurs agents, mais dans certaines circonstances, c'est pas efficace. C'est pas tous les centres hospitaliers qui ont ce type de bonnet-là, parce que des fois, ça peut ne pas être indiqué selon le type de cancer que les gens vont avoir, selon le type d'agent également. Ce qui est important de rappeler aux gens, c'est que cette perte de cheveux-là va survenir habituellement vers la troisième, quatrième semaine du traitement. Puis va par la suite aussi, les cheveux vont repousser. Puis ça dépend toujours à quel moment sont nos cheveux. On sait qu'on a déjà des cheveux qui sont morts, ils vont tomber de toute façon. Certains sont en pousse active, donc c'est ceux qui sont le plus affectés par la chimiothérapie. Mais il reste que, tu sais, c'est sûr que c'est un aspect beaucoup plus psychologique au niveau de la perte de cheveux qu'au niveau des nausées et vomissements. Parce que quelqu'un qui serait déshydraté en raison de vomissements importants, ben là, c'est sûr qu'il faut le prendre en charge. La perte de cheveux, c'est plus c'est l'aspect esthétique. Si on n'est pas capable, ben, il y a tellement maintenant de prothèses capillaires, de foulards que les gens peuvent mettre, puis souvent même les prothèses capillaires, on est surpris. Parce que la prothèse, souvent, c'est des prothèses qui ressemblent énormément à leurs cheveux, donc des fois, on les regarde puis on se dit, est-ce que c'est leurs cheveux ou c'est une prothèse? D'accord. Et est-ce qu'on a d'autres méthodes, d'autres moyens, mécanismes pour atténuer tous les effets secondaires qu'on voit chez les patients qui ont de la chimiothérapie? Je pense peut-être à la fatigue ou vous avez traité aussi de l'aspect psychologique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont ciblés en clinique pour diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie? Bien, tu sais, ce qui est important, c'est qu'en oncologie, donc pour le traitement du cancer, c'est qu'il y a un travail énorme qui est un travail d'équipe. Donc, des équipes qui sont constituées, souvent, il y a des médecins, des pharmaciens, des infirmières. Il peut y avoir des... Habituellement, il y a des nutritionnistes, il va y avoir physiothérapeutes, des kinésiologues. Donc, c'est des gens qui peuvent aider justement. Tu sais, on sait que garder certains exercices physiques va aider. Les gens sont fatigués, mais il faut quand même qu'ils maintiennent un certain niveau d'activité. Donc, souvent, on peut leur suggérer certaines activités. Il y a l'aspect aussi psychosocial qui est important. Donc, il va y avoir des travailleurs sociaux, il peut y avoir des psychologues. Donc, il y a un encadrement, il y a des groupes de soutien aussi, dépendamment des types de cancers, des centres hospitaliers. Fait que je pense que ce qui est important, c'est que les gens soient au courant des différentes ressources qui sont disponibles, puis de profiter de ces ressources-là aussi pour aller chercher le maximum d'informations, de support, pour faire en sorte que c'est une expérience qui est absolument non agréable, mais que ça se passe de mieux en mieux avec toute cette approche-là qu'on appelle là, interdisciplinaire ou interprofessionnelle. Donc, si je comprends bien, les patients dans leur combat contre le cancer ne sont pas seuls. C'est vraiment un travail d'équipe, puis les gens ne sont jamais laissés seuls. Puis il y a une grande disponibilité de ces professionnels-là. Merci beaucoup, Mme Dion. Nous écoutions donc Anne Dion, qui est spécialiste du contrôle et prévention des effets indésirables reliés à la chimiothérapie du cancer à l'Université Laval. Alors, en espérant qu'on continue d'atténuer ces effets secondaires des traitements anti-cancer dans les prochaines années. Absolument. Et Mme Dion m'a mentionné que la médecine se tourne actuellement de plus en plus vers des stratégies personnalisées et très spécifiques du cancer du patient. C'est donc de bon augure pour des traitements efficaces, mais aussi moins difficiles à vivre. Certainement. Alors, merci beaucoup, Jean-Daniel, de nous avoir fait découvrir cette avenue de recherche, en tout cas. De rien, Valérie. On va faire une petite pause musicale sur CKRL 89.1 et au retour, on vous parle de la flore intestinale.